Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, la chute de Margaret Thatcher. Le 22 novembre 1990, il y a presque 28 ans, quasiment jour pour jour, le Premier ministre britannique, on disait comme ça à l'époque, même pour une femme, démissionne. Après 11 ans de bons et loyaux services, pourtant, elle est en plein milieu de son troisième mandat. Jamais un chef de gouvernement britannique n'avait tenu aussi longtemps au XXe siècle. Mais la Dame de Fer, surnom qui lui fut donné par les soviétiques, se serait bien vu passer encore quelques années au 10 Downing Street. Oui, mais c'était sans compter sur ce qui allait se dérouler. Une révolution de palais en quatre temps et une succession d'erreurs commises par Margaret Thatcher elle-même. D'abord, ses positions eurosceptiques, de plus en plus critiquées par ses propres amis conservateurs, et puis son acharnement à vouloir imposer des mesures impopulaires comme la poll tax, un impôt local. Mais elle est aussi victime de son arrogance, de son style d'elle-même en fait, et puis de l'usure de pouvoir et de l'ambition de jeune loup dans son camp. Alors tous les ingrédients d'un renversement de madame sont réunis, et la voilà qui finit clouée au pilori sur la place publique. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Four, directeur de l'information internationale à Radio France, ancien reporter et correspondant à Londres pour France Inter et pour Radio France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le 19 novembre 1990, le Premier ministre britannique, Margaret Thatcher, quitte Londres pour rejoindre Paris et assister au sommet de la CSCE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'événement est historique. Il met fin à la guerre froide et au partage de Yalta, rien que ça. Dans la salle des conférences de l'avenue Kléber, la dirigeante britannique retrouve ses homologues François Mitterrand, George Bush, Mikhail Gorbatchev. Cela devrait être un jour de gloire. Pourtant, sur les tapis rouges, la Dame de Fer n'a pas toute sa superbe. Entre deux sourires forcés, elle a l'air pensif. Et si dans quelques jours elle perdait son poste? Non, c'est impossible. En tout cas, elle refuse d'y croire. Elle est Margaret Thatcher. Elle est indéboulonnable, indispensable à la Grande-Bretagne. Personne ne peut mieux gouverner ce pays qu'elle. Pourtant, et pour la première fois 11 ans de règne, l'indétrônable fait l'objet d'un assaut. Le lendemain, en effet, le Parti conservateur britannique doit désigner son dirigeant. Son ancien ministre de la Défense, Michael Heseltine, se présente contre elle. Margaret Thatcher est en position de faiblesse, et les journalistes présents ne manquent pas de le souligner, comme ce jour-là, sur Antenne 2, lors du sommet de Paris. Dans le jargon journalistico-diplomatique, on les appelle déjà les membres du club des Malassis. Leur point commun est en effet leur position inconfortable dans leur pays respectif. Ils devaient n'avoir en tête que des problèmes d'ordre planétaire, mais leurs problèmes de politique intérieure risquent bien de gâcher leur séjour à Paris. Et le plus exposé dans ce club des Malassis, c'est bien sûr le numéro 1 soviétique, Mikhail Gorbatchev. Mais le club des Malassis a également ses nouveaux membres. Exemple Margaret Thatcher, la Dame de Fer. Dans la course à la direction de son parti, elle est en effet plus que malmenée. Et le leadership des conservateurs pourrait bien lui échapper au profit de Michael Heseltine, son ancien ministre de la Défense. Traditionnellement, le candidat élu à la tête du parti conservateur devient immédiatement Premier ministre. Après 11 ans de pouvoir, la Dame de Fer commencerait-elle à rouiller? Corrosion possible, en effet. La voyant arriver d'ailleurs, François Mitterrand aurait dit à ses conseillers qu'elle n'aurait jamais dû venir à Paris. Tant il est vrai que Margaret Thatcher est sur la sellette, défiée dans son propre parti. Pourtant, ce troisième mandat n'avait pas si mal commencé. Margaret Thatcher, 10 ans de pouvoir, c'est en effet le 4 mai 79 que Maggie devenait Premier ministre. C'est presque un record de longévité politique en Grande-Bretagne. Quoi qu'il arrive, Madame Thatcher aura marqué l'évolution de son pays par son autorité. Ça, c'est Margaret Thatcher. Du caractère, de l'énergie, du courage. Avec elle, la Grande-Bretagne a une voix, on l'entend, on l'écoute. C'est vraiment le meilleur homme du pays. Je suis convaincu que les Britanniques n'aiment pas Madame Thatcher, de même qu'elle n'aime pas les Britanniques. On la déçoit toujours. Mais elle est admirée à cause de son fort leadership. Le 4 mai 1989, Mrs. Thatcher fête ses 10 ans de pouvoir et semble rester envers et contre tout le capitaine du navire de Grande-Bretagne. La fille de l'épicier ne lâche pas la barre et maintient le cap qu'elle s'est fixé lorsque, le 4 mai 1979, elle a jeté l'ancre au 10 Downing Street. Les batailles menées sont déjà nombreuses. À son tableau de chasse, des privatisations en pagaille, houille, chemin de fer, transport aérien, aciérie, télécommunications, gaz ou encore électricité, dérégulation de la finance, limitation du monopole syndical, la dame de fer a construit sa légende en résistant, avec brutalité parfois, voire même souvent, à un soulèvement historique. La grève des mineurs en 1984 contre la fermeture d'une vingtaine de mines de charbon dure plus d'un an. Son échec laisse une blessure profonde et des régions entièrement sinistrées. Impitoyable, Margaret Thatcher marque les esprits lorsqu'elle laisse mourir également en prison Bobby Sands, membre de l'IRA qui avait entrepris une grève de la faim. À son actif également, un fait d'armes, un vrai fait d'armes qui fait la fierté de nombreux Anglais, la guerre des Malouines. Résultat, une Angleterre fracturée, certes, mais une économie qui retrouve des couleurs. Lorsqu'elle entame son troisième mandat en juin 1987, les feux sont au vert. 5% de croissance, une inflation réduite à 4%. Le chômage est retombé à 7% de la population active. Voilà une maison bien tenue. Mais à quel prix ? Social, s'entend. En tout cas, après 10 ans au pouvoir, elle pense sincèrement qu'elle est la seule à pouvoir gouverner. Il faut dire que chez les travaillistes, il n'y a pas d'opposition sérieuse. Et côté conservateur, elle a pris tellement de place qu'il n'y a pas de successeur évident. Bah, pourquoi faire, de toute façon ? Mais la fête ne va pas durer très longtemps. Les 10 bougies à peine soufflées au printemps 1989, Margaret Thatcher fait une toute nouvelle expérience. Elle perd une élection et découvre le goût de la défaite. En 10 ans de mandat, elle avait envoyé au tapis tous ses adversaires et amis politiques. Elle a gagné une guerre aux antipodes, 82, échappé par miracle aux bombes de Brighton, 84, maté le très long conflit des mineurs, 85, tenu tête aux plus grands de ce monde, et voilà qu'aujourd'hui, la dame de fer trébuche gravement dans un véritable référendum grandeur nature. Son tombeur, Neil Kinnock, a beau jeu de lui faire endosser les habits fatigués d'un premier ministre du passé et d'un dirigeant dépassé. C'est vrai que Margaret Thatcher donne très souvent l'impression de vouloir entrer dans l'Europe à reculons. La preuve, son propre chancelier de l'échiquier, Nigel Lawson, a de plus en plus de mal à cacher lui-même son exaspération devant les atermoiements monétaires britanniques. Ce 19 juin 1989, Margaret Thatcher subit un camouflet aux élections européennes. Bon, rien de dramatique, pense-t-elle, après tout. Ce n'est que l'Europe, oui. Mais les travaillistes récoltent 39% des voix contre 33% pour les conservateurs. Champagne au siège du Labour. Pour les travaillistes, le Premier ministre paie son arrogance à l'égard de l'Union européenne et de ses ministres. Eurosceptique jusqu'au bout des ongles, la dame de fer refuse en effet depuis plusieurs années d'adhérer au système monétaire européen, le SME, et contre l'avis de son ministre des Finances, Nigel Lawson. Pourtant, cette coopération entre États de l'Union européenne en matière de taux de change doit permettre d'assurer une stabilité monétaire dans toute l'Union, c'est une protection. Une marche forcée, surtout vers la monnaie unique pour Thatcher, inconcevable. La livre sterling est à l'Angleterre ce qu'est la reine au Royaume-Uni, un morceau de patrimoine national. Hors de question d'y toucher. Dans le document qui va suivre, Michel Rocard, le premier ministre français à l'époque, commente avec humour le scepticisme de son homologue britannique après un entretien à Londres quelques mois plus tôt, c'était le 9 février 1989. Je crois qu'elle entendait bien rendre public ce qu'elle voulait dire. Je lui ai dit, mais madame le premier ministre, nous sommes en train de nous engager dans un processus de convergence et dans une cinquantaine d'années, nous serons une fédération ou quelque chose d'équivalent. Et la réponse fantastiquement positive a été « mais non, dans 1000 ans ». Ce qui voulait dire que la vie n'était pas négative. Nous ne divergions que sur la durée. Comme je ne peux conceptuellement m'intéresser qu'au commencement du processus, peu m'importe la fin dès l'instant, même dans 1000 ans, c'est bien le sens, nous ferons avec. France et Grande-Bretagne toujours côte à côte. Michel Rocard préfère en rire. Mais à Londres, la croisade de Margaret Thatcher contre le SME commence à faire grincer quelques dents. Car l'économie du pays se porte mal maintenant. La livre est au plus bas et l'inflation fait une remontée inquiétante à 8,3% du jamais vu depuis 7 ans. La faute au refus de Margaret Thatcher de faire entrer la monnaie britannique dans le système monétaire européen, disent les spécialistes de la City. Nigel Lawson, le chancelier de l'échiquier, ne désespère pas pour autant de faire entendre raison à sa patronne. Pour préparer une adhésion en douceur, il a depuis le début de l'année 88 cherché à aligner la livre sur le mark allemand à grands coups d'intervention sur les marchés. Au début, Margaret Thatcher laisse faire. Mais plus l'économie dérape, plus elle remet en cause les solutions de Lawson. En octobre 89, elle fait revenir au 10 Downing Street un conseiller économique, Sir Alan Walters, parti enseigner à Washington. Ce professeur d'économie ultra-libéral est comme elle farouchement opposé à l'entrée dans le SME. Colère noire de Nigel Lawson. La manœuvre est une menace directe pour sa politique. Dans un article paru dans le Financial Times du 8 octobre, Alan Walters critique directement les mesures du ministre des Finances. C'est la provocation de trop. Le 26 octobre, il se présente sans rendez-vous au 10 Downing Street et à 9h précise, il demande audience au Premier ministre. C'est Walters ou lui, que les choses soient claires. Or, Margaret Thatcher ne prend pas son chancelier de l'échiquier au sérieux. Ah bon ? Mais c'est comme ça. C'est comme ça ? Eh bien, je m'en vais. À 17h30, coup de tonnerre. Après 6 ans de bons et loyaux services, Nigel Lawson démissionne. Margaret Thatcher le remplace sans enthousiasme, quelques jours plus tard, par un certain John Major. Mais elle est fragilisée. D'autant que les désaccords avec sa propre majorité se multiplient. Et, de surcroît, elle se tire une autre balle dans le pied avec un nouvel impôt très contesté, y compris par ses amis politiques, la Community Charge, plus connue sous le nom de poll tax, la capitation en français. Une mesure qui passe mal, très mal. La colère des contribuables couvait depuis des mois. Elle a explosé depuis le début de la semaine, à Londres surtout. Des casseurs et certains membres de l'extrême gauche sont, c'est vrai, les premiers responsables des violences de jeudi à Hackney et d'hier soir à Brixton. Ils s'étaient mêlés aux manifestants moins pour protester contre la poll tax que pour se battre avec la police. Le nouvel impôt local qui entre en vigueur le 1er avril n'en provoque pas moins un profond mécontentement partout en Angleterre. Margaret Thatcher a beau dire et répéter que la nouvelle taxe est plus équitable et plus objective, elle ne parvient pas à convaincre. Résultat, les conservateurs ont 20 points de retard sur les travaillistes dans les sondages. Et hier, un quotidien, l'Independent, a laissé entendre que certains poids lourds de son parti avaient commencé à chercher un remplaçant à Madame Thatcher. Début mars 90, Bertrand Vanier, le correspondant de France Inter à Londres, commence à faire état de la rébellion qui monte dans l'opinion publique anglaise contre cette poll tax. Le principe est simple. Il s'agit d'un impôt perçu à taux unique sur chaque contribuable, indépendamment de ses revenus et en fonction des besoins financiers de la commune. Autrement dit, riche et pauvre, le duc et le livreur de pizza paient la même chose. Plus question de baser la taxe locale sur la propriété, la taille et l'emplacement des habitations, non. Et c'est plus équitable et plus juste, argumente Madame Thatcher, persuadée de tenir là une brillante idée. Oui, sauf que la poll tax entraîne une augmentation de 30% de la charge de nombreux citoyens, sans distinction de revenus, donc le contraire de l'équité fiscale. D'ailleurs, même chez les conservateurs, la mesure divise. Lors de son vote à la Chambre des communes, la loi ne passe qu'avec 25 voix d'avance au lieu des 101 espérées. Certains parlementaires et ministres essaient bien de raisonner la dame de fer. En séance à la Chambre des communes, le député Michael Heseltine s'insurge. La responsabilité de la poll tax sera précisément mise sur le dos du gouvernement qui a introduit cette taxe. Cet impôt sera connu comme l'impôt Tory, de droite si vous préférez. Tous des frustrés qui ne se remettent pas en cause. Ils veulent rester de simples parlementaires, commente Margaret Thatcher, qui n'écoute plus personne. Résultat, le 31 mars 1990, la colère des Anglais explose. Londres tente ce matin d'effacer les traces d'une véritable soirée d'émeute. Des dizaines de voitures calcinées en plein cœur de la capitale, des boutiques saccagées, parfois pillées à deux pas de Trafalgar Square. Le bilan est lourd, au moins 133 blessés, dont une soixantaine de policiers, 340 personnes interpellées. Ils étaient plus de 40 000 hier après-midi à manifester contre la réforme des impôts locaux. Mais très rapidement, la protestation dégénère en affrontement avec des forces de l'ordre complètement débordées. Plusieurs centaines de personnes qui tentent de défiler devant le 10 Downing Street, un immeuble incendié, et c'est tout le centre-ville qui se transforme en champ de bataille. L'Angleterre n'avait pas connu pareilles émeutes depuis 1926. Mais rien n'y fait, la poll tax s'appliquera. Les contribuables, cela dit, n'ont pas dit leur dernier mot. Une grève du paiement des impôts s'improvise, si bien que le gouvernement est obligé de compenser le manque à gagner des collectivités locales en débloquant des fonds d'urgence. Les conservateurs sont de plus en plus inquiets. Les sondages pour les prochaines élections générales de 1991 sont très mauvais. Ils accusent un retard de 20 points sur les travaillistes. Avec Margaret Thatcher à la barre, le navire court tout droit sa perte. Alors, certains commencent à s'interroger, comme Hugh Dykes, député conservateur, au micro de France Inter le 5 avril 1990. Le problème central maintenant, est-ce que, n'est-ce pas, n'importe qui comme leader d'un parti moderne dans les pays occidentaux, est-ce qu'il y a un danger de rester trop longtemps? Je ne sais pas, parce qu'il s'agit maintenant d'une dizaine d'années que nous avons notre dame de fer. Mm-hmm. Peut-être il y a un cas là-dedans pour un changement aussitôt que possible, non seulement pour des raisons évidentes, comme la création d'une nouvelle imposition locale qui est injustifiée. Je vous assure qu'il y aura encore un concours cet automne qui s'approche maintenant pour le leadership de notre parti. Si Mme Thatcher voudrait également se présenter encore une fois, il y aura certainement un concours entre quelques candidats. La succession est ouverte inévitablement. Aïe, voilà un bien mauvais présage pour la dame de fer. Voir son autorité contestée lors de la prochaine désignation du leader conservateur serait bien sûr un affront. Plus grave encore serait la victoire d'un adversaire, d'autant que si Maggie, son deuxième surnom, venait à perdre la tête de sa majorité, elle perdrait du même coup son poste de premier ministre. Et écoutez Hugh Dykes, elle ferait mieux de se méfier. Oh oui, car à chaque nouvelle erreur, elle court un peu plus à sa perte et straight on. The kind people have a wonderful dream. Margaret Gillotin. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? When will you die? When will you die? When will you die? And people like you make me feel so old inside. Kind people, do not shelter this dream, make it real, make the dream real, make the dream real, make it real. Chairman, Mr. President, ladies and gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. En octobre 1990, Margaret Thatcher se rend à la conférence annuelle du parti. À première vue, tout va pour le mieux pour elle. Discours enthousiaste des intervenants, pancarte « 10 more years », 10 ans de plus, brandi par le public. Bon, il a bien quelques motifs de tracasserie, comme l'influence grandissante de son dauphin et chancelier de l'échiquier, John Major, mais Maggie semble toujours avoir le soutien des conservateurs. Un journaliste qui l'appelle, en lui demandant si elle compte prendre sa retraite, elle répond « Mais je n'y pense même pas, les 10 années à venir seront les plus excitantes. » Avec ses ministres, l'autoritaire Margaret Thatcher est égale à elle-même. Un côté maîtresse d'école, parfois cruelle avec ce qu'elle méprise, comme l'infortuné Geoffrey Howe, vice-ministre en charge des relations avec le Parlement. Il est le seul rescapé du premier cabinet de 1979, fidèle parmi les fidèles. Il est pourtant la cible des humiliations de la patronne. Au dire de ses collègues, c'est bien simple, elle lui parle comme on parle à un valet. Howe, poli, gentleman, en caisse, en silence, est encore plus agaçant. Un an plus tôt, il s'est vu retirer son poste de ministre des Affaires étrangères, troqué contre celui de vice-ministre. Un placard. Et une fois de plus, il accepte le coup dur sans rien dire. Enfin, pour le moment. Le coup de grâce a lieu le mercredi 31 octobre, lors du Conseil des ministres. Le week-end précédent, Geoffrey Howe a eu le tort de dire dans une interview à la télé que la Grande-Bretagne n'est pas opposée par principe à l'entrée dans la monnaie unique. Eh bien si, justement. Alors au conseil suivant, à peine commencé, Margaret Thatcher l'attaque sur une série de projets de loi mineurs. Elle le met en pièces devant tous ses collègues. Les autres ministres gênés assistent à la scène, les yeux baissés et en silence, bien évidemment. Courage Fillon. Geoffrey Howe, lui, c'était... comme d'habitude, mais à l'intérieur, il fulmine. Et cette fois, oui, c'en est trop. Le 1er novembre, 17h50, le vice-ministre en charge des relations avec le Parlement se présente au 10 Downing Street, lettre de démission en poche, par laquelle il explique les raisons de son départ. Sur le fond et sur la forme. Le fond, l'Europe. La forme, Margaret Thatcher elle-même et sa façon de traiter tout cet irrespect. D'abord, surprise, celle-ci comprend que le mariage est consommé, qu'aucune réconciliation avec Mr. Howe n'est envisageable. Mais comme chacun le sait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Tiède, en l'occurrence, car l'ex-sous-ministre la réserve pour son discours de démission à la Chambre des communes le mardi suivant, et ça va tanguer. Monsieur le Président, dans la lettre de démission que j'ai adressée avec une immense tristesse et désarroi, j'ai dit... Le fonctionnement d'un gouvernement consiste à essayer de l'intérieur, de se convaincre les uns les autres. C'était mon engagement d'utiliser la persuasion pour gouverner, mais je réalise maintenant que cette tâche est devenue futile. Qu'essayer de prétendre qu'il y avait une politique collective risquait d'être sabotée à chaque nouveau pas par un commentaire désinvolte, une réponse impulsive. Le conflit de loyauté entre la loyauté envers mon honorable ami, le Premier ministre, et après tout, après 2 décennies passées ensemble, cet instinct de loyauté est toujours aussi vif. Je ne pense plus qu'il soit possible de résoudre ce conflit depuis l'intérieur du gouvernement. C'est pourquoi j'ai démissionné. Et en le faisant, j'ai fait ce que je pensais juste pour mon parti et mon pays. Le temps est venu pour d'autres de considérer leur propre réponse au tragique conflit de loyauté contre lequel j'ai lutté pendant probablement trop longtemps. Les mots sont mesurés. Geoffrey Howe n'est pas du genre violent, on l'a vu. Mais ce sont quand même 18 minutes de réquisitoire contre Margaret Thatcher qu'il prononce. Plus encore, c'est une invitation directe à ouvrir le débat sur un éventuel changement de Premier ministre. Et il se trouve que le coup est fatal. Car quelques semaines plus tôt, Howe avait autorisé l'enregistrement vidéo et la diffusion des séances à la Chambre des communes. L'humiliation a donc lieu devant toute la Grande-Bretagne. Margaret Thatcher le sait. Au fur et à mesure du discours, on voit bien son sourire qui s'efface. Lorsque Howe termine, l'audience, comme prise de sidération, se mure dans le silence. Pas un applaudissement. Margaret Thatcher attend quelques instants, se lève et sort de la salle. Message reçu en tout cas sur les bancs de Westminster où certains députés ambitieux fourbissaient leurs armes depuis de longues semaines en attendant le moment idéal pour passer à l'attaque. Le voilà. Le compte à rebours est lancé. Le 15 novembre 1990, le député Michael Zoltyn annonce sa candidature à la tête des parlementaires conservateurs. Lorsque l'an dernier, un député de base, Anthony Meyer, s'était présenté contre Margaret Thatcher, il savait qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. Il l'avait fait pour le principe. Michael Heseltine, lui, a décidé de défier le Premier ministre pour gagner. La dame de fer est donnée favorite pour se succéder à elle-même, à la tête du Parti conservateur et du gouvernement. Sa mise à la retraite forcée n'est cependant pas à exclure. Pour la première fois depuis son arrivée au pouvoir, il y a 11 ans. Mauvaise surprise pour Margaret Thatcher. Normalement, un Premier ministre au pouvoir voit son mandat renouvelé quasi automatiquement. Mais en 1975, le Parti conservateur a mis en place un recours. Si deux députés s'opposent à ce renouvellement, un vote est organisé. Ce processus n'a presque jamais été utilisé, jusqu'à ce que Michael Heseltine, député conservateur, s'en saisisse. Ancien ministre de la Défense de Margaret Thatcher, il avait démissionné en 1986 sur un désaccord concernant l'Europe encore et toujours. Premier ministre, Heseltine s'y voit, depuis longtemps déjà. Il n'attendait plus qu'un signe pour se lancer. Ce signe, c'est donc Geoffrey Howe qui le lui a donné, sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs. En tout cas, dès la fin de son allocution au Parlement, la décision d'Heseltine est prise. Il doit saisir sa chance de déboulonner enfin la dame de fer. Mais fidèle à elle-même, d'une incroyable assurance, l'intéressée n'y voit qu'une péripétie, sans risque donc. Heseltine n'est pas un rival sérieux, voyons. Mais il a un plan de bataille efficace. Au Parlement, lui et son bras droit font le pied de grue pour convaincre les députés un à un. Allez, votez pour Heseltine. Ils vont même voir les membres du cabinet pour négocier. Les plus fidèles ministres commencent à s'alarmer, appellent le 10 Downing Street pour avertir le Premier ministre. Mais son équipe de campagne la protège et se montre rassurante. Pour couper l'herbe sous le pied d'Heseltine, Margaret Thatcher fait avancer le vote au 20 novembre. Pas très judicieux. À cette date, en effet, elle sera au sommet de Paris. À la veille de son départ, le 19 donc, certains ministres essaient bien de le dissuader de partir. Ils pensent qu'elle doit rester, au contraire, et faire elle aussi la tournée des parlementaires. Mais non. Non, c'est non. Et quand c'est non, c'est non. D'autant que les estimations de son équipe de campagne sont bonnes. Il crédite Margaret Thatcher de 250 voix contre 120 à son adversaire. Alors si les parlementaires sondés ont dit la vérité, mais rien n'est moins sûr. Et le 20 novembre, tout le monde a les yeux rivés sur le scrutin. Étrange élection que celle-là, décidément. Aucun sondage sérieux n'a pu être effectué avant le vote. Le corps électoral est trop restreint. Aucune évaluation sortie des urnes n'a pu être établie pour définir une fourchette. La plupart des votants mentent en le disant, pour ne pas hypothéquer leur avenir. Résultat, personne ne peut sérieusement prédire l'issue du scrutin. L'unique bureau de vote a été fermé il y a quelques minutes. Le dépouillement est en cours. Le décompte des voix devrait être connu dans une demi-heure au maximum. Margaret Thatcher est favorite, mais elle sait qu'une majorité étriquée ne suffira pas à dompter la rébellion qui gronde chez les conservateurs. Pour faire taire les grognards, elle doit écraser Michael Heseltine. Il est 19h30 quand le verdict tombe. Margaret Thatcher est alors enfermée avec son équipe dans une chambre dans l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris. Dans la pièce, l'ambiance est lourde et la tension palpable, surtout quand le téléphone sonne enfin. Peter Morrison, le directeur de campagne, décroche. Tout le monde le fixe, puis il fait un signe de la main, pouce baissé. Ça veut dire que les résultats ne sont pas aussi bons qu'espérés. Il manque à Margaret Thatcher 4 petites voix pour distancer suffisamment Heseltine et l'emporter au premier tour. Pour un premier ministre en place, ce score est un désaveu terrible. Encore sonnée et contre l'avis de ses conseillers, elle se rend compte de l'ambassade et interrompt un journaliste de la BBC en plein direct pour faire une déclaration. La caméra d'Antenne 2 est là également. The Prime Minister is behind you, John. Madame Thatcher, puis-je vous demander de commenter ? Bonsoir. Je suis très heureuse d'avoir obtenu plus de la moitié des votes des parlementaires du parti. Déçue que ce ne soit pas tout à fait assez pour gagner au premier tour, et confirme que j'ai bien l'intention de concourir au second tour. Au même moment, de l'autre côté de la Manche, une réunion s'improvise à Westminster dans le plus grand secret. Elle rassemble de jeunes parlementaires conservateurs et un ministre, Malcolm Rifkin, tous des fidèles de Thatcher. Pourtant, ce soir-là, la discussion tourne autour d'une seule et unique question. Madame le Premier ministre doit-elle, oui ou non, continuer ? La réponse est unanime. Non, son temps est révolu. Elle ferait mieux de passer la main sans même affronter un deuxième tour. Car son adversaire, Michael Heseltine, est bien décidé à aller jusqu'au bout. Et il le confirme lors de sa première prise de parole après les résultats. J'éprouve une énorme gratitude pour mes très nombreux collègues parlementaires qui m'ont apporté leur soutien. Les résultats que nous avons sont à une ou deux voix près, conformes aux promesses de vote que j'avais reçues jusqu'à ce matin. C'est pourquoi je compte me représenter au deuxième tour. Évidemment, la dame de fer n'entend pas baisser les bras aussi facilement. « Je vais me battre et me battre pour gagner », déclare-t-elle à la presse qui l'attend le lendemain à son retour au 10 Downing Street. Pour livrer son ultime bataille, elle forme une toute nouvelle équipe de campagne. Piquée au vif, la battante Thatcher enchaîne déjeuner, rendez-vous avec des parlementaires et des ministres. Mais rien ne se passe comme prévu. Les soutiens sont distants. Certains lui suggèrent même de se retirer. La campagne de second tour s'annonce vraiment très mal. Le Premier ministre risque de recevoir encore moins de voix qu'au premier tour. Le 21 novembre soir, elle convoque tous ses ministres un par un pour les consulter. Le tête-à-tête est-il le choix le plus judicieux pour ces rencontres ? Pas sûr. Presque tous lui conseillent d'abandonner. Deux d'entre eux vont jusqu'à menacer de démissionner si elle ne se retire pas. D'abord incrédule, Margaret Thatcher réalise petit à petit que sa situation est désespérée, que le naufrage est inévitable. La preuve, les rats quittent le navire, même John Major est en train de lui tourner le dos. Il sait qu'il a sa carte à jouer. Margaret Thatcher remonte dans son bureau, seule. La clôture des candidatures pour le second tour est fixée au lendemain, à midi. Mais un peu avant 20h, sa décision est prise. Elle jette l'éponge. À midi et demi, le lendemain, sa voiture quitte le 10 Downing Street, direction Buckingham Palace, pour annoncer la nouvelle à la reine. La foule amassée dans la rue eut autant qu'elle applaudit le convoi. Quelques heures plus tard, à la Chambre des communes, Margaret Thatcher s'adresse aux parlementaires, ceux-là même qui ont eu sa peau, mais elle le fait avec beaucoup de panache. Le Premier ministre nous dirait-elle si elle a l'intention de continuer son combat contre la monnaie unique et une banque centrale indépendante après son départ ? Non, elle en sera le gouverneur. Mais quelle bonne idée ! Je n'y avais pas pensé. Si je l'étais, il n'y aurait pas de banque centrale européenne qui ne rende de compte à personne, pas même au moindre Parlement national. L'objectif d'une telle Europe avec une banque centrale n'est pas la démocratie. Elle reprendrait les pouvoirs de chaque Parlement. Avoir une politique monétaire, des taux d'intérêt et une monnaie unique nous enlèverait tout pouvoir politique. Comme mon honorable ami le représentant de Bléby, dans son premier discours, après que la proposition pour une monnaie unique a été faite, la monnaie unique concerne la politique de l'Europe. Elle revient à faire entrer l'Europe fédérale par une porte dérobée. Donc je devrais considérer la proposition du député de Bolsover. Où est-il maintenant ? Je m'amuse bien en fait. L'intervention de Margaret Thatcher surprend son auditoire. Les membres du Parlement émus sont en train de réaliser ce qui se passe sous leurs yeux. Certains même commenceraient à regretter. Margaret Thatcher s'en va, virée après 11 ans à gouverner le Royaume-Uni d'une main de fer. Elle refuse cependant de voir son fossoyeur politique l'emporter et elle pousse de nouveaux candidats à se présenter, dont John Major, qui devient Premier ministre quelques jours plus tard. Lorsque Margaret Thatcher quitte le 10 Downing Street le 28 novembre 1990, elle s'adresse les yeux humides à la foule et essuie une larme en montant dans sa voiture. La dame de fer était donc bien de chair et de sang, en un mot commençant, humaine. du monde ou bien putain, qui bien souvent est les mêmes. Femme normale, star ou boudin, femelle en tout genre, je vous aime. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète ne sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que lorsque le sport devient la guerre, y a pas de gonzesse ou si peu dans les hordes de supporters. Ces fanatiques fous furieux, abreuvés de haine et de bière, déifiant les crétins en bleu, insultant les salauds en fer. Y a pas de gonzesse ou liane, imbécile et meurtrière, y'en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Femme, je t'aime parce que une bagnole entre les pognes, tu ne deviens pas aussi con que ces pauvres tarés qui se cognent. Pour un phare un peu amoché ou pour un doigt tendu bien haut, y en a qui vont jusqu'à flinguer pour sauver leur autoradio. Le bras d'honneur de ces cons-là, aucune femme n'est assez vulgaire pour l'employer à tour de bras, à part peut-être Madame Thatcher. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la chute de Margaret Thatcher. Notre invité Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Jean-Marc, vous êtes directeur de l'information internationale de Radio France, ancien directeur de la rédaction de France Inter. Vous avez été correspondant à Londres sous Tony Blair, je m'en souviens. Et vous étiez reporter sur place lors de la chute de Margaret Thatcher. Alors justement, puisque vous y étiez témoin privilégié, quelle était l'ambiance à Londres à l'époque, l'ambiance politique et la situation économique? Souvent, elles sont liées. Oui, pour répondre sur les deux terrains, je dirais que j'ai deux souvenirs, effectivement. C'est que, d'une part, les gens ne sont pas surpris dans la rue. En fait, ils s'y attendaient. Et pour le grand public anglais, c'est pas tant le complot du parti, en fait, qui est perceptible que la situation sociale. Et vous avez évoqué la poll tax, cet impôt local extrêmement impopulaire. Et il y avait beaucoup de gens dans la société, particulièrement les gens à petits revenus, qui ne supportaient pas ce projet-là. Et il y avait donc beaucoup de tensions sociales. Il y a eu ces émeutes à Trafalgar Square et aussi plusieurs fois à Brixton. Et donc, il y avait un climat social qui faisait qu'il n'y a pas eu vraiment de surprise au fait qu'elle jette l'éponge à un moment donné. L'autre aspect qui est plus politique pour le coup et moins social, c'est que les gens sont, le souvenir que j'ai, c'est que quand vous en parlez avec eux dans la rue, les gens sont divisés parce que c'est un personnage extrêmement clivant. Je suis pas sûr que la France ait connu personnalité aussi clivante. Nicolas Sarkozy était très clivant, mais pas autant que Margaret Thatcher. En Grande-Bretagne, c'est soit la personne que vous adorez, soit la personne que vous adorez haïr. Et donc vous pouviez avoir d'une personne à l'autre dans la rue en discutant avec les gens les deux réactions en l'espace de quelques secondes. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'usure du pouvoir, parce qu'il y a peut-être un peu d'usure du pouvoir, mais il y a surtout des éléments objectifs, politiques, poll tax et Europe. Donc c'est pas vraiment l'usure du pouvoir, même après 11 ans. C'est une combinaison de plusieurs choses. C'est certain qu'il y a une usure du pouvoir et une forme de condescendance. Vous l'avez bien expliqué style, d'ailleurs. Oui, hein, style, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle se sent tellement puissante qu'elle estime qu'elle n'a plus de compte à rendre à personne et à partir de là, elle se fait beaucoup d'ennemis. Donc c'est malgré tout lié à la permanence au pouvoir. Après, il y a aussi quelque chose qui est lié à ce qu'est le système politique britannique. Là encore, on le perçoit dans ce que vous avez raconté, mais quand on est français, on le comprend pas nécessairement très bien. Ça n'a rien à voir avec le président de la République en France. Le président de la République en France, une fois qu'il a été élu au suffrage universel, et c'est le cas depuis 1962, je veux dire, il est tranquille pour la chèque en blanc. C'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'il est tranquille pour la totalité de son mandat, et puis il va user des fusibles qui s'appellent le Premier ministre. En Grande-Bretagne, c'est très différent. Il y a un chef de l'État qui est la reine et qui garantit cette stabilité-là. Et en dessous, vous avez donc un Premier ministre qui, en fait, est le chef de son parti. C'est un régime parlementaire. C'est un régime parlementaire. parlementaire. Ce qui veut dire qu'au moment où il y a leadership contest, on entendait bien tout à l'heure, c'est-à-dire une concurrence pour dominer le parti, au moment où ça commence à se tendre dans le parti, le Premier ministre peut à tout instant sauter. En fait, aujourd'hui encore, je veux dire, Theresa May peut sauter demain. Le fait est qu'elle en réalité. Le Premier ministre, il occupe, si j'ose dire, un appartement dont la propriété est à son parti. Ah, absolument. Il est locataire de East Downing Street. C'est vraiment ça. Il faut bien comprendre ça, c'est qu'à tout instant, son parti peut considérer qu'il n'est plus le bon leader. Et si son parti, qui est majoritaire en voix et donc majoritaire en siège, estime à un moment donné que ce n'est plus le bon leader, va le virer. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Tony Blair à peu près dans les mêmes circonstances une douzaine d'années plus tard, où effectivement, de la même manière, il va arriver au pouvoir et puis à un moment donné, une quinzaine d'années plus tard, plutôt, il va au bout de 10 ans au pouvoir, lui aussi, être contesté au sein de son parti et il va sauter parce qu'il n'a plus le soutien de son parti. Et ça, faut bien comprendre ça. C'est un régime, si vous voulez, la vraie monarchie des deux entre la France et la Grande-Bretagne, c'est la France. Oui, c'est un vrai régime parlementaire. C'est en France qu'il y a les pleins pouvoirs, quelque part, donnés au président de la République, pas en Grande-Bretagne. C'est la même chose, d'ailleurs, chez nos voisins espagnols, italiens, et tant de pays européens. Alors, Margaret Thatcher en veut à Zoltán, à son adversaire. Bon, très bien, ça la regarde. Mais pourquoi pousse-t-elle John Major, qui est quand même loin d'être le plus charismatique, qui fait quand même un petit peu bourgeoisie poussiéreuse, ce monsieur. Oui, c'est vrai. C'est que de l'apparence, pardon, je le connais pas, mais. Alors, c'est vrai qu'il a pas laissé dans l'histoire politique britannique la même marque que Margaret Thatcher ou que ensuite Tony Blair qui lui succédera en 1997. D'abord, elle supporte pas Michael Eisenstein, effectivment, qui est, on le surnommait le lion, je crois, avec une espèce de crinière, comme ça, une chevelure assez abondante, pas la Trump, mais bon, vous voyez le genre. Et elle supporte pas ce personnage-là. Donc, de toute façon, je pense qu'elle a tout fait pour éviter que Zoltán lui succède. Ça, c'est évident. Après, elle pousse Major parce que Major est un fidèle poulain. Donc, malgré tout, il lui a été fidèle quasiment jusqu'à la fin. Et je pense que c'est pour ça qu'elle défend Major. Et puis, on peut se dire quand même dans un coin de sa tête qu'elle ne veut pas nécessairement que lui succède quelqu'un qui soit aussi flamboyant qu'elle. Voilà. Et c'est vrai que Major, derrière, ne sera pas aussi flamboyant qu'elle. Même si Major, il y a des choses à mettre à l'actif de Major. Vous savez, c'est ces mandats qui sont méconnus. Par exemple, sur l'Irlande du Nord, c'est John Major qui fera avancer le processus de paix en Irlande du Nord, qu'elle avait laissé dans un sale état quand même. Ah oui. Alors, en tout cas, le départ de Margaret Thatcher suscite de nombreuses réactions partout dans le monde. D'ailleurs, elle en a suscité partout dans le monde. On a entendu Renault tout à l'heure. Rendez-vous compte, il parle quand même d'un dirigeant étranger comme si c'était celui de son propre pays. Voilà, elle avait un rayonnement à la fois positif et négatif qui était vraiment important. Alors, on va écouter maintenant les propos tenus par un autre Français, Valéry Giscard d'Estaing. C'était le 22 novembre 1990. Sur Antenne 2, on lui faisait parler de Margaret Thatcher, tout simplement. Je crois que Margaret Thatcher aura été, avec Winston Churchill, le plus grand ministre britannique des 50 dernières années. Le rideau tombe sur la Dame de Fer. Elle a droit, je crois, à nos applaudissements. Je souhaite que ce soit aussi l'occasion pour la Grande-Bretagne de s'engager davantage dans la construction européenne. L'union de l'Europe, à laquelle nous travaillons, attend maintenant la contribution britannique. Voilà, Valérie Giscard d'Estaing, jolie formule, le rideau tombe sur la Dame de Fer. Alors, moi, ce que j'entends, c'est bravo à elle, mais bon débarras pour l'Europe. Oui, mais c'est ça en fait, le vrai problème. Disons qu'il y a deux problèmes politiques pour Margaret Thatcher. Encore une fois, j'insiste sur l'histoire de la poll tax parce que c'est un sujet majeur dans la société britannique. C'est-à-dire l'électeur britannique à l'époque, il est plus préoccupé de cette histoire d'impôt local particulièrement injuste. Il faut quand même le dire parce que on paye autant si on est pauvre que si on est riche, voire davantage. Donc l'électeur britannique, il est préoccupé par ce sujet-là. Il n'est pas tellement préoccupé par l'Europe. En revanche, le personnel politique et évidemment les autres dirigeants européens, eux, ils sont préoccupés par l'Europe. Et Margaret Thatcher, de fait, est anti-européenne pour faire court. Il y a eu ces formules célèbres, vous savez. Give my money back. Voilà, exactement. Ouais. Ce sommet Rambouillet, l'argent. D'ailleurs, en présence, oui. Je crois, de Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez, rendez-moi mon argent. Bon. Quelque part, et c'est assez prémonitoire ce que dit Valéry Giscard d'Estaing, c'est assez juste. C'est-à-dire que avec le retrait de Margaret Thatcher, s'achève un cycle où la Grande-Bretagne est assez loin de l'Europe. Et John Major va initier un cycle qui va être beaucoup plus pro-européen, parce que Major est plus pro-européen. Donc la Grande-Bretagne va à nouveau se rapprocher de l'Europe. Ce cycle pro-européen va continuer avec les premiers mandats de Tony Blair, qui est quelqu'un qui, lui, est pour le coup intimement pro-européen. Je dirais à titre personnel, il est pro-européen, Tony Blair. Simplement, il va rater le coche, Tony Blair, dans la phase d'après. C'est-à-dire que au début des années 2000, il a l'opportunité, en 2001, 2002, 2003, de faire un référendum sur l'adhésion à la monnaie unique, à l'euro. Et il va reporter, il va procrastiner une fois, deux fois, trois fois. Il va jamais se décider à faire ce référendum alors que lui, intimement, il le voulait. Et là, le vent va retourner dans le sens et on va re-rentrer dans un cycle à partir du milieu des années 2000 qui conduit jusqu'au Brexit. Voilà. Hein, c'est-à-dire un nouveau cycle d'euroscepticisme qui aboutit en point culminant au Brexit. Bien sûr. Et elles sont vraiment puissantes, les résonances là avec le Brexit. Quand on a entendu l'avant-dernière archive, je crois, voire la dernière. Mais la dernière, parce que Margaret Thatcher s'en va. Et puis elle entoure ça d'un peu d'humour, mais elle dit, ah bah oui, je vais être gouverneur de la Banque Centrale. Enfin, voilà, on sent tout ce rejet. Mais vous avez, encore une fois, vous avez les deux sujets qui font tomber les gouvernements en Grande-Bretagne, c'est les impôts, hein, les taxes, le sujet des impôts, ça c'est vraiment majeur, et le sujet de l'Europe, c'est un sujet extrêmement sensible pour les insulaires que sont les Britanniques. Et d'ailleurs, ce sujet très clivant est devenu clivant dans les autres pays de l'Europe depuis 2005, notamment le débat politique, y compris en France, il passe beaucoup par l'Europe, hein, oui, les sceptiques et les Européens, donc les Anglais étaient finalement en avance sur nous sur ce sujet. Jean-Marc, on va écouter le groupe Clash, qui était l'un des plus grands groupes du monde au début des années 80, et on va comprendre un peu pourquoi on les a écoutés, par plaisir, mais ça a un sens politique aussi. Same, that's the key to your heart, heart. That's the key to your heart, heart. Joe Strummer sur France Inter. Joe Strummer en carrière solo, mais c'était avant le leader du groupe Clash. Et on a passé ce disque Jean-Marc Four parce que, à son corps défendant, Margaret Thatcher a créé une sorte de contre-culture, de culture de réaction à sa politique sociale brutale. Donc je pense à Clash, notamment, London Calling, je pense à, au cinéma. Ken Loach, bien sûr. La culture, il y a une culture anti-Thatcher, oui, forcément, ces personnages extrêmement controversés, ils suscitent toujours des mouvements culturels assez forts. Je pense qu'on verra après coup, par exemple, que la présidence Trump a probablement créé un mouvement culturel aux États-Unis, mais on verra ça dans quelques années. C'est mécanique. Et alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'effectivement, c'est à la fin des années 70, les années 80, vous avez des groupes. Si on prend la musique, vous avez des groupes comme Clash, effectivement. Vous avez aussi le mouvement ska, avec notamment un groupe comme The Specials, qui est beaucoup sur des thématiques sociales, de mixité raciale, etc. Et ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, quand Margaret Thatcher finit par démissionner en 1990, le Parti conservateur ne réalise pas que la société a déjà changé. Et c'est pour ça qu'il va se ringardiser. En fait, il est aussi ringard que Margaret Thatcher l'est par certains aspects devenus. En des années 90, on est déjà arrivé à l'époque de Blur, Oasis, etc., oui. Les groupes de Manchester. Vous voyez, c'est déjà une autre culture qui a intégré le multiculturalisme, par exemple, à Londres, qui a modifié la place de la femme. On est déjà dans autre chose. Et là, pour le coup, la musique a pris un temps d'avance sur la politique. Vous voyez ? Et les conservateurs comprennent pas. Non, ils sont en fait, et c'est pour ça qu'ils vont finir par se ringardiser au début des années 90, parce qu'en fait, quand ils lâchent Margaret Thatcher, le parti est par certains aspects devenu aussi ringard qu'elle. Bon, alors Tony Blair lui déringardise en plus sur le style. Il joue de la guitare, etc. C'est effectivement lui, il va incarner ce milieu des années 90. Est-ce qu'on peut dire que 28 ans après qu'elle a quitté le pouvoir, Margaret Thatcher attise toujours des haines en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni? Oui, quelqu'un qui reste un personnage très controversé. Il y a vraiment des gens qui ne l'aiment pas du tout. Après, comme toujours, je veux dire, voilà, aujourd'hui, elle est morte, etc. Elle n'est plus ce monde. Donc, il y a une forme de respect, malgré tout, pour cette figure exceptionnelle, ce personnage politique hors du commun qu'elle a été. Et avec une autre particularité, mais absolument essentielle. C'est une femme. Oui, c'est-à-dire qu'elle est quand même dans l'Europe occidentale le premier ministre féminin. Pour la première fois, un grand pays occidental se dote d'un dirigeant qui est une femme qui va rester au pouvoir 11 ans. Après, il y aura Angela Merkel. Mais c'est après. Et quant à nous, rien du tout. Je veux dire, on a eu une première ministre, Edith Cresson, pendant quelques semaines. Mais c'est une femme. Et le pays, dans les années 70 et les années 80, n'hésite pas à confier sa destinée aux mains d'une femme, qui d'ailleurs disait, moi j'aime beaucoup cette citation de Margaret Thatcher, vous savez ce qu'elle disait? Elle disait, si vous voulez que quelque chose soit dit, demandez à un homme. Si vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une femme. Joli aphorisme, hein. C'est elle qui disait ça. Oui, c'est une belle affaire. Ça dit bien aussi quelque chose sur ce qu'elle pense de la force de caractère d'une femme au pouvoir. Bien sûr, et puis peut-être aussi qu'elle s'est montrée dure parfois pour compenser, pour pallier cette appartenance à la gente féminine dans un milieu macho. Hein. Non, mais on dit souvent qu'effectivement, une femme, pour qu'elle tienne les rênes du pouvoir, doit se montrer encore plus ferme qu'un homme. C'est quelque chose qui se dit souvent dans le milieu politique. Donc oui, probablement. Après, je pense que c'est pas ça le facteur essentiel malgré tout. C'est qu'elle était sincèrement convaincue de ce qu'elle a fait. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais elle était sincèrement convaincue de sa fermeté sur l'Irlande du Nord, de sa fermeté sur les privatisations, sur le conflit avec les mineurs, etc. C'était une conviction sincère. Elle n'est pas malhonnête, comme le dit Renaud dans sa chanson. Je ne pense pas que c'était quelqu'un de malhonnête. Elle était sincèrement convaincue de ce qu'elle faisait. Simplement, on peut être profondément en désaccord aussi avec ce qu'elle a fait. Alors, il nous restait un peu plus d'une minute pour tirer le bilan. Elle est quand même, Margaret Thatcher, avec Reagan, l'artisan d'une formule qui a triomphé. C'est le libéralisme, hein, c'est l'école de Chicago, selon laquelle le problème dans l'économie, c'est l'État, tout est dit. Elle en a été un cheval de Troie en Europe, et c'est ce modèle-là qui a triomphé. Elle a gagné. Oui, elle a gagné. Margaret Thatcher a gagné. Oui, c'est vrai qu'elle a gagné et que même les gouvernements derrière dits de gauche, comme reprenons l'exemple de Tony Blair à la fin des années 90 au début des années 2000, en fait, il est quelque part une forme d'héritier de Margaret Thatcher. C'est-à-dire qu'il va jamais renvoyer le balancier. Il va renationaliser un petit peu, mais il va jamais renvoyer le balancier là où il était avant dans les années 70. Et il va même s'inspirer de Margaret Thatcher sur un certain nombre de choses. Par exemple, les initiatives dites public-privé. Vous avez les cofinancements entre le privé et le public, ou le fait que vous deviez emprunter par exemple en Grande-Bretagne pour financer vos études. Enfin, ce sont des process du aide-toi, le ciel t'aidera, c'est-à-dire débrouille-toi d'abord toi-même. Et ça, c'est très hérité de la mentalité de Thatcher, même après avec des gouvernements plus à gauche. Est-ce que pour Theresa May, par exemple, Margaret Thatcher peut être un fragment de modèle? Je ne dis pas un modèle complet, mais... Mais par certains aspects, elle lui ressemble, par un aspect déjà majeur, c'est sa résilience. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui résiste. Theresa May, elle est au pouvoir depuis un peu plus de 2 ans. Ouais. Tous les 2 mois, on dit qu'elle va sauter. Là, on dit encore qu'elle va sauter avec le Brexit. Pour l'instant, elle tient. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, il est clair qu'il y a quelque chose de commun avec la Dame de Fer, oui. Et elle prend l'autorité avec le pouvoir au fur et à mesure, au fil des jours. Ah mais oui, il y a qu'à voir comment elle s'en est sortie là du dernier épisode. Tout le monde disait au Congrès conservateur, elle va sauter, etc. Non, elle est arrivée, elle a fait Dancing Queen, vous savez, elle est arrivée sur scène, etc. C'est très Thatcherien, je veux dire. Elle avait mobilisé ses militants, elle s'est défendue très très bien et s'en est ressortie une fois de plus. Bon, donc Theresa May aujourd'hui, Margaret Thatcher pendant tant d'années, voilà. Donc l'Angleterre donne, c'est vrai que le Royaume-Uni donne une leçon de la représentation de son personnel politique. Ça, il n'y a pas photo avec nous. Mais vous avez bien fait d'insister là-dessus. En quelques mots, le Royaume-Uni, le Brexit, l'avenir du Royaume-Uni, en quelques mots, c'est impossible en quelques mots. Là, je n'ai pas de boule de cristal. Si on devait me demander un pari, je pense qu'il y aura un accord avec l'Union Européenne. Je pense que les deux parties en ont besoin, donc je pense qu'il y aura un accord. Voilà, bien sûr, mais c'est ce qui est dans l'air, ou c'est le débat, en tout cas. Oui, ça me semble plus probable qu'un no deal, comme on dit. Voilà. Bien, merci infiniment, Jean-Marc Four, d'avoir apporté vos éclairages, votre connaissance du sujet, puis aussi vos souvenirs, car je le rappelle, vous avez vécu ces faits aux premières loges. Vous étiez le correspondant de France Inter à Londres. Vous étiez reporter. Merci Jean-Marc, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la chute de Margaret Thatcher, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires si ça vous dit. Merci à Philippe Duclos qui était à la technique aujourd'hui.